Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a la question des abstentionnistes, évidemment. Est-ce que les gens se déplaceront ou pas ? Il y a la question de la lassitude aussi des partis politiques. Je crois qu'aujourd'hui, les gens en ont un peu ras-le-bol de la politique sous toutes ses formes. Galdera asko ikuranitz bada. Lehen itzulian bozkatu ez dutenak, bozkatuko duten ala ez. Politikaren aspertze bat ere bada, gaur egun jendea aspertua da politika untaz, beraz bozkatuko duten ala ez, eta gizonak ere badira. Jendeak auzapez bat hautatzen du, eta hautagaiak desberdinak dira. Beraz, elementu guzti horiek kondutan sartuko dira, kriterio horietan, miagistaren erantzunaren arabera jokatuko da hauteskundea. Répondront à tous ces critères-là.